Je peux stationner à gauche, réponse A. À droite, réponse B. Le stationnement est payant, réponse C. À durée limitée, réponse D.